إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلازلنا في شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقلنا أن أهل السنة والجماعة توسطوا كما في عاداتهم في كل أمور الدين هم وسط فيها. Donc nous sommes toujours dans l'explication de la croyance de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Nous avions dit que al-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, comme à leur habitude, eh bien, ils sont sur le juste milieu concernant tous les sujets de la religion. فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا. أهل السنة والجماعة eh bien ils attestent et ils affirment que la personne eh bien fait des œuvres et a une volonté et a le choix. ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. Mais malgré cela, il ne sort pas de la volonté d'Allah تبارك وتعالى. فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية. Et donc أهل السنة والجماعة ils attestent que ils affirment que la personne elle a une volonté, elle a le choix dans ses œuvres, elle a également ou elle fait elle-même ses œuvres, contrairement à la secte al-Jabriya dont on a expliqué quelle était leur croyance concernant le qadar. وَلَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Mais malgré cela, malgré la volonté qu'a la personne, malgré les œuvres qu'elle fait elle-même, elle ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. خِلَافًا لِلْقَدَرِيَّ. Et ceci contrairement à ce que disent al-Qadariyya. Al-Qadariyya disent que la personne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir dans sa destinée. Il ne lui a jamais destiné quoi que ce soit. Quoi que ce soit. وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et c'est de cela, ou c'est cela que prouvent les textes du Coran d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَوْلَا أَنَّ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً وَاخْتِيَارًا وَقُدْرَةً لَمَا عَذَّبَهُ اللَّهُ عَلَى أَفْعَالِهِ. Si Allah, si la personne n'avait pas, eh bien, aucune volonté et n'avait pas le choix et n'avait aucune capacité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas châtié. Ne l'aurait pas châtié pour ses œuvres, puisqu'il n'en a aucune capacité et il n'a aucun choix dans ses œuvres. فَلَوْ كَانَ مُجْبَرًا كَمَا تَقُولُهُ الْجَبْرِيَّةِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَفْعَالٍ لَيْسَ لَهُ فِيهَا اخْتِيَارٍ. S'il était obligé de faire ses œuvres et qu'il n'avait aucun choix dans ses œuvres, comme le dit Al-Jabriya, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ne l'aurait pas châtié. Puisqu'Allah, comme on a dit, eh bien, n'est pas injuste. Mais au contraire, il a l'équité et la justice la plus parfaite. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et parmi les preuves que prennent Ahl Sunna ou le Jama'a pour appuyer leur croyance, eh bien, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal fi surat al-Takwir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et parmi vous, celui qui veut aller sur le droit chemin ou être dans la droiture, et vous ne pourrez pas, et vous ne voudrez pas une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, ne l'ait voulu. Wa qawluhu liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui qui veut d'entre vous être sur le droit chemin, dalla ala anna al-insan yastaqim ala ta'ati Allah bi mashi'atihi la yujbaru ala dhalik. Et donc ce verset, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que la personne, eh bien, elle-même se met sur le droit chemin qui est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa volonté, elle, à la personne, et qu'il n'est pas obligé de faire autre chose, ou qu'il n'est pas obligé, ou il n'a pas été obligé de faire les actes. Mais ces actes-là, comme le fait de se mettre sur la droiture et d'obéir à Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est de par la volonté de la personne elle-même. Imma an yastaqim wa imma an ya'si. Soit il se met sur la droiture, soit il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa alladhi yu'min wa huwa alladhi yakfur. Donc c'est la personne elle-même, de par sa volonté, soit elle croit, soit elle renie et elle mécroit. Wa huwa al-mu'min wa huwa al-kafir wa huwa al-fasiq wa al-zani wa al-sariq wa al-sharib huwa nafsuh. Donc la personne, quand elle fait une œuvre, c'est de par son propre choix et parce qu'elle a voulu, de par sa propre volonté. C'est lui qui est croyant, c'est lui qui est mécréant, c'est lui qui est pervers, c'est lui qui fait l'adultère et la fornication, c'est lui qui vole, c'est lui qui boit les choses illicites, etc. C'est de par sa propre personne que la personne fait ça. فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ مَشِئَةً فِي قَوْلِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Allah subhanahu wa ta'ala affirme que la personne, que l'être humain, eh bien, a une volonté. Quand il dit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. ثُمَّ قَالْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et vous ne voudrez pas une chose si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu. Si Allah azza wa jal, le Seigneur de l'univers, ne l'a pas voulu. هَذَا رَدٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ. Et dans ce verset, il y a une réfutation al-qadariya, qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, n'a rien destiné à la personne. فَأَوَّلُ الْآيَةِ رَدٌ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ. Le début du verset est une réfutation contre al-jabriya, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et celui qui veut d'entre vous, eh bien, qu'il se mette sur le droit chemin. Là, il y a une réfutation al-jabriya qui disent que la personne est obligée de faire des œuvres. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit que celui d'entre vous qui veut, eh bien, se mettre sur le droit chemin. Donc, dedans, il y a une réfutation contre Al-Jabriya, dans le début ou dans le premier verset. Et dans le deuxième verset, il y a une réfutation contre Al-Qadariya. فَالْآيَا رَدٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ. Donc, le verset, ou ces deux versets, eh bien, sont une réfutation contre ces deux groupes égaré. وقوله لمن شاء هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته. Donc celui qui veut, Allah Azza wa Jalla, quand il dit celui parmi vous qui veut se mettre sur le droit chemin, eh bien, il y a dans ce verset une réfutation contre le Jabriya qui eux renient ou disent que la personne n'a aucune capacité et il n'a aucune volonté et qu'il est obligé. وَأَنَّهُ يُحَرَّكْ بِدُونِ اِخْتِيَارٍ مِنْهَ. Et qu'il l'ait bougé sans aucun choix de sa part. وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هَذَا رَدٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يَنْفَوْنَ الْقَدَرِ وَيَغْلُونَ فِي إِثْبَاتِ مَشِيَّتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et vous ne voudrez pas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas, il y a dans cela eh bien une réfutation contre le qadariya qui eux eh bien rejettent complètement le destin. Et ils font de l'excès et de l'exagération contre le fait sur le fait d'affirmer eh bien la volonté de la personne. C'est-à-dire qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien destiné à la personne et que c'est la personne elle-même qui fait ses œuvres et qu'Allah azza wa jal ne lui a rien destiné. ويقولون إن العبد يشاء ولو لم يشاء إلا ولو لم يقدر الله له. Et donc qu'est-ce qu'ils disent, le qadariya? Ils disent que la personne, c'est elle qui veut la chose et qui veut faire l'acte, par exemple, même si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Même si Allah azza wa jalla ne lui a pas destiné. C'est ce qu'ils disent. Huwa yaf'alu wa yasha'u bibtida'ihi wa ijadihi huwa. Et donc ils disent que la personne elle fait et elle œuvre de par elle-même. C'est elle qui invente ses œuvres et qui fait ses œuvres. Wa ba'dhum yaqul Allahu la ya'lamu af'alahu. Et certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Allah Azza wa Jal ne connaît pas l'œuvre que va faire la personne avant qu'elle ne le fasse. Et ceux qui disent ça, eh bien, ce sont ceux qui ont fait de l'exagération. Et certains d'entre eux, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et a su ce que la personne va faire, mais il ne lui a pas destiné. هذا هو ملخص البحث في هذه المسألة. Et ceci est le résumé, eh bien, de ce sujet. والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il faut savoir que le destin, eh bien, il est cité dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, il a créé toute chose et lui a destiné. Il lui a destiné, yani chaque chose lui a été destinée. وقال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et chaque chose nous l'avons créée avec une destinée. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et vous ne voudrez pas une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Sans qu'Allah azza wa jal, Seigneur de l'univers, ne l'ait voulu. وفي السنة حديث جبريل عليه السلام لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et dans la sunna, qui prouve que eh bien, le destin est véridique et fait partie de la foi, c'est le hadith de Jibril où est-ce qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il lui a dit informe-moi sur la foi. Il lui a dit la foi c'est que tu crois en Allah azza wa jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. فالإيمان بالقدر على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. Et donc comme nous avions dit, le destin est de trois catégories et nous devons croire en, de quatre catégories et nous devons croire en ces quatre catégories. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة القدرية. Et donc la première des catégories c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute chose avec sa science ancienne et avec laquelle il est caractérisé et qui convient à lui seul, tabaraka wa ta'ala. Et cette catégorie, eh bien, c'est celle-là qu'ont rejeté ceux qui ont fait de l'exagération parmi le Qadariya. Wal martabatu thaniya, al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba fil lawh al-mahfouz kulla shay, li hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عندما قال أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. Et donc la deuxième catégorie, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses dans l'awh al-mahfouz, dans les tablettes qui sont préservées auprès de lui. Il a écrit toute chose dans ses tablettes. Il a écrit la destinée de toute chose. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il dit, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Ensuite, il lui a dit, écris. Allah azza wa jalla a dit à la plume, écris. Elle lui a dit, et que vais-je écrire? Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, écris tout ce qui est et tout ce qui va être jusqu'à ce que l'heure se lève. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, nul malheur n'atteint la terre ou n'atteint vos propres personnes sans que ceci ne soit assigné dans un livre. الكتاب هو اللوح المحفوظ. Et ce livre, c'est les tablettes, اللوح المحفوظ, qui sont sauvegardées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله عز وجل من قبل أن نبرأها. Avant que nous créions cette chose, avant que nous n'ayons créé cette chose. أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. Et ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. والكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toute chose avant qu'il ne crée les cieux et la terre, de 50 000 ans. Et son trône était sur l'eau. فَالْكِتَابَ سَابِقَةٌ بِأَزْمَانِ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses avant la création, eh bien, des cieux et de la terre. وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةِ مَرْتَبَةُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ. فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وفي هذا رد على القدرية. Et donc la troisième des catégories concernant le destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y a pas une chose qui se passe dans cet univers sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Et dans ceci, il y a une réfutation contre القدرية. فلا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ولا يريده. Il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne l'ait voulu. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu, il ne se serait pas combattu. Mais certes, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il fait ce qu'il veut. Fakullu shay'in yuhdath faqad sha'ahu Allah wa aradahu ba'dama 'alimahu wa katabahu fi lawh al-mahfouz. Toute chose qui se passe, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Après l'avoir su et après l'avoir écrit dans les tablettes sauvegardées. والمرتبه الرابعه مرتبه الايجاد والخلق علمه وكتبه وشاءه وخلقه. Et la quatrième des catégories dans le destin que nous devons croire obligatoirement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose et a créé toute chose et premièrement il a su, ensuite il a écrit, ensuite il a voulu et ensuite il a créé. Au moment où est-ce qu'elle devait être créée. ولابد أن تؤمن بهذه المراتب كلها، وإلا لم تكن مؤمنا بالقضاء والقدر. Et donc il est obligatoire pour toi de croire en ces quatre catégories toutes, sinon eh bien tu ne seras pas croyant au destin. وقوله والفرقة الناجية سميت ناجية لأنها ناجية من النار. Ensuite, Cheikh nous a dit الفرقة الناجية, يعني le groupe sauvé. Et ce groupe sauvé, il a été appelé sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé, ou il sera sauvé du feu. بخلاف بقية الفرق فإنها في النار. Contrairement à tous les autres groupes qui seront en enfer. والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. D'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous ces groupes seront en enfer sauf un groupe. Sauf un groupe. وهذه الواحدة هي الناجية من النار. Et donc ce groupe, c'est celui qui sera sauvé du feu. وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت. منها ما هو في النار لكفره يخلد فيها، ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها. فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة، بل هي متفاوتة، لأن الخلاف يتفاوت. Et donc, tous ces groupes qui sont en enfer, ils sont de plusieurs degrés. Ils ne sont pas au même stade. Ils ne sont pas au même degré. Parmi ces groupes, il y en a qui seront en enfer parce qu'ils seront rentrés dans la mécréance. Et parmi ces groupes, il y en a qui seront en enfer parce qu'ils auront commis et ils auront désobéi, ils auront commis des péchés. Ceux qui sont en enfer parmi ces groupes parce qu'ils auront commis de la mécréance resteront éternellement en enfer. Et ceux qui ont parmi ces groupes désobéi, eh bien, ils resteront un temps en enfer et ensuite ils en sortiront. Ce n'est pas parce qu'ils vont en enfer, ces groupes, qu'ils sont tous mécréants. Pourquoi ? Parce que, eh bien, leur péchés qu'ils ont commis, eh bien, ils sont de plusieurs degrés. Certains qui rentrent, eh bien, ces groupes-là dans la mécréance, et d'autres qui ne les font pas rentrer dans la mécréance. وقوله وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. الجبرية هم أتباع جهم ابن صفوان الذي يقول بالجبر ويقول بالإرجاء. Et donc, il dit que الفرقة الناجية, le groupe sauvé, il est dans le juste milieu concernant eh bien, les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont entre Al-Qadariya ou Al-Jabriya. Et Al-Jabriya, comme il dit Shir, ce sont eh bien, les suiveurs de Ja'd ou Al-Jahm ibn Safwan, qui dit que la personne est obligée de faire ses œuvres et qu'elle n'a pas le choix dans ses œuvres. Et il dit également, et il ramène dans l'iman l'irja, c'est-à-dire que la personne, eh bien, même si elle commet des péchés, elle aura une foi complète. ويقول بالتجهم كذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، يعني جمع بين ثلاث جيمات والرابعة جيم جهنم والعياذ بالله. C'est-à-dire que, eh bien, Cheikh l'imam ibn al-Qayyim, il nous dit jim, يعني, il nous ramène trois jim, c'est-à-dire le jim de al-jahm, de al-jabriya et de l'irja. Et ensuite, il nous dit qu'avec cela, il y aura un quatrième jim, c'est-à-dire le jim de l'enfer de Jahannam. Wal'iyadu billah. ثم قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. Ensuite il dit que أهل السنة والجماعة, le groupe sauvé, concernant la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont entre le murji'a et le wa'idiyya, qui sont deux groupes également égarés. هذه مسألة الكفر والإيمان لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان. Et donc la menace, comme on a dit, ça fait partie des fondements de l'Mu'tazila. La menace, elle concerne le sujet, est-ce qu'on rend mécréant ou non la personne qui a commis des grands péchés. من حصل منه كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك. يعني celui qui a fait des grands péchés en dehors de l'association, est-ce que il est mécréant ou non? الخوارج كفروها. الخوارج eux rendent mécréants ceux qui ont commis ces grands péchés comme zina, comme le vol, comme le fait de boire de l'alcool, etc. الخوارج rendent mécréants le croyant qui aura commis ces grands péchés. وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر. Et pourquoi on les appelle الخوارج? لأنهم أخرجوا l'insan يعني من الإسلام إلى الكفر. C'est-à-dire qu'ils ont sorti, le musulman de l'islam à la mécréance. ويستدلون بآيات من القرآن. Et ils prennent pour preuve des versets du Coran. يقولون الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Ils prennent pour preuve ce verset. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour y demeurer éternellement. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا. Donc ils prennent ce verset pour preuve, pour dire que celui qui désobéit à Allah azza wa jal, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera dans le fond de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et donc ils disent, s'il y demeure éternellement, donc il est mécréant. Donc ils rendent mécréant celui qui vole, celui qui fait la fornication, celui qui boit de l'alcool, puisqu'il, pour eux, il aura désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. كل مرتكب كبيرة يكفرونه. Celui qui aura commis un grand péché, ils le rendront mécréant. ويخرجونه من الإسلام, ils le referont sortir de l'islam. ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتوب. Et ils disent qu'il demeurera éternellement en enfer s'il meurt dans cette situation avant de se repentir. هذا مذهب الواعدية. لماذا سموا بالواعدية؟ لأنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله تبارك وتعالى للمغفرة والتوبة. Et donc ceci est la croyance de l'واعدية. الواعدية, ils ont été nommés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les versets de la menace. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des menaces. Et il délaisse les versets où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait la promesse et il promet son pardon et son repentir. مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes Allah azza wa jal ne pardonne pas à celui qui lui associe, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, ils délaissent ces versets-là. Mais ils prennent juste les versets où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace, comme on a vu, وَمَيْ عَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَإِنَّ لَهُ نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، وأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous informe qu'il ne pardonne pas à l'associateur, celui qui aura commis de la grande association. Mais il pardonnera, eh bien, en dehors du shirk, à qui il veut. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الْمَعَاصِي. Et tout ce qui n'est pas shirk, eh bien, rentre dedans tous les péchés, tout, qu'ils soient grands ou petits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les pardonner. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. Ça, c'est une promesse d'Allah تبارك وتعالى. وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. المرجئة, eux, ils prennent justement le contraire. Ils prennent les versets de la promesse du pardon et du repentir. Et ils disent que celui qui aura commis des grands péchés, eh bien, il aura une foi complète. فَقَالُوا لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَ. Ils disent que, eh bien, le péché n'est pas néfaste à la foi, comme, eh bien, l'obéissance ne peut être utile à la mécréance. وَسُمُّوا مُرْجِئًا لِأَنَّهُمْ أَرْجَأُوا أَيْ أَخَّرُوا الْأَعْمَالَ عَنْ مُسَمَّى الْإِيمَانِ. Et pourquoi ils ont été appelés مُرْجِئًا? Parce que, eh bien, ils ont retardé les œuvres par rapport à la foi. وَقَالُوا الْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِقُ بِالْقَلْبِ. Et ils disent que la foi, c'est juste, eh bien, de croire dans son cœur, sans faire d'œuvre. وَهُمْ مَعَ هَذَا أَرْبَعُ طَوَافِ. Et donc, المرجئة, ils sont de quatre catégories. الأولى مرجئة الفقهاء من الكوفيين والأحناف الذين يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل. Donc la première des catégories, ce sont, eh bien, al-murji'a, concernant, eh bien, les savants, les jurisconsultes, parmi les gens de Koufa et parmi les hanafites, qui disent que la foi, c'est juste, eh bien, le fait de le dire avec sa langue et de le croire avec son cœur, sans faire d'œuvre. Juste tu dis, je crois, et que tu crois dans ton cœur, ça suffit. Pour eux, tu n'as pas besoin de faire d'œuvre. Et tu seras considéré comme croyant avec une foi complète. الثانيه الاشاعره ومن اخذ بمذهبهم. Et la deuxième des catégories, c'est les ash'arites. Et ceux qui suivent leur chemin. فيقولون الايمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi, c'est le fait de croire dans son cœur, même si tu ne dis pas avec ta langue. فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. Donc ils disent que celui qui croit avec son cœur, il est croyant, même s'il ne dit pas qu'il croit. وَعَلَى هَذَا فَالْكُفَّارُ مُؤْمِنُونَ. Et donc si on part de ce principe, je crois, mais je ne le dis pas avec ma langue. Donc dans ces cas-là, si on part de ce principe-là, on peut considérer que les mécréants sont croyants dans ces cas-là. لأنهم يصدقون بقلوبهم ولكن لا ينطقون بألسنتهم. Pourquoi? Parce que les mécréants, eh bien, au fin fond d'eux, ils croient, mais ils ne disent pas avec leur langue. ماذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Allah سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran, et nous savons qu'en vérité, ce qu'ils te disent te chagrine. Or, en réalité, ils ne croient pas que tu es un menteur. Ils ne croient pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un menteur. Mais ce sont les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils renient. هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les mécréants croient dans leur cœur et ils savent que Mohammed صلى الله عليه وسلم, d'après ce verset, eh bien, c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وأن القرآن كلام الله. Et ils sont certains que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأن ما جاء به هو الحق. Et ils savent très bien que ce avec quoi est venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est la vérité. ولكن يمنعهم العياذ بالله موانع إما الكبر والأنف أو الخوف على مناصبهم ورياستهم أو الحسد. Mais les empêche, eh bien, de le dire avec leur langue ou de croire ouvertement, eh bien, certaines choses, comme l'orgueil, comme le mépris, comme le fait d'avoir peur pour leur place et leur rang et leur autorité, ou tout simplement par jalousie. Ils ne veulent pas croire, ou ils ne veulent pas le dire avec leur langue et ouvertement, par jalousie. Wal yahoud ya'rifunahu alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu, يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. Et les juifs, eh bien, connaissent Mohammed صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal, il dit, et ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent. Ils connaissent Mohammed عليه الصلاة والسلام. كما يعرفون أبناءهم, comme ils connaissent leurs propres enfants. يعرفون أنه رسول الله. Ils savent que c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته. Mais, eh bien, ils ne lui ont pas obéi. Ils n'ont pas cru en son message. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Et ceci par jalousie de leur part, après que ne leur est venue la vérité, ou que ne leur est apparue la vérité. تَرَكُوهُ حَسَدًا. Ils ont délaissé le prophète, صلى الله عليه وسلم, de par jalousie de leur part. يُرِيدُونَ أَن تَكُونَ النُّبُوَّةِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَكُونَ النُّبُوَّةِ فِي بَنِي إِسْمَعِيلِ. Et en réalité, ils ont voulu que la prophétie soit, eh bien, parmi la descendance de Israël, yani de Yaqub, et pas parmi la descendance de Ismaïl, alayhi salam. Hasadu bani Ismaïl, fa'abaw an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fahum yu'minuna bi qulubihim annahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fahadha raddun ala al-asha'ira, alladhina yaqulun, inna al-iman huwa at-tasdiq bil qalb. Et donc, ils ont jalousé la descendance de Ismaïl alayhi salam, et ils ont refusé, ils se sont refusés de croire à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont cru avec leur cœur, et ils savent que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont renié avec leur cœur, avec leur langue. فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. Et donc dans cela, il y a une réfutation contre l'Ashaira, les Ash'arites, qui disent que, eh bien, la foi, c'est juste avec le cœur, sans, eh bien, le dire avec la langue. والثالثة الكرامية. La troisième des catégories, c'est الكرامية, les karamites peut-être en français, wallah alam. الذين يقولون الايمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi, eh bien, c'est le fait de le dire avec la langue même si ton cœur ne croit pas. والعياذ بالله. اذا نطق بلسانه وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن عندهم. Donc le karramiya, ils disent que si la personne dit avec sa langue al-shahada, elle dit la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est croyant, même si, eh bien, dans son cœur, il n'y a pas de croyance. كذلك يقولون. Et donc c'est ainsi qu'ils disent. وهذا باطل. Et ceci est complètement faux. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون. Donc si on part de leur principe, ça veut dire que les hypocrites alors sont croyants. لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Pourquoi les hypocrites, eh bien, disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Les hypocrites ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites sont au plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras pas de secours. فَهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَكِنْ لَا يَعْتَقِدُونَ بِقُلُوبِهِمْ. Les hypocrites disent des choses avec leur langue et disent nous croyons, etc. Mais dans leur cœur, eh bien, il n'y a aucune croyance. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله عز وجل dit dans le Coran, et quand les hypocrites viennent vers toi, ils disent que nous attestons, avec leur langue, nous attestons que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal sait très bien que tu es son messager. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement que tu es son messager. Et Allah azza wa jal atteste que les hypocrites sont des menteurs. Sont des menteurs. C'est-à-dire que ce qu'ils disent avec leur langue n'est pas dans leur cœur. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. Et ils prennent eh bien leur attestation comme protection, le fait d'attester avec leur langue comme protection, et en réalité ils obstruent le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. شهادتهم للرسول جنة يستترون بها دون القتل. Et en réalité eh bien le fait qu'ils attestent, les hypocrites, qu'ils attestent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux est une protection contre le fait d'être tué. يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم. Ils veulent vivre avec les musulmans alors qu'au fin fond de leur cœur ils sont mécréants. حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأصنام والكرامية يقولون إنهم مسلمون ومؤمنون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites sont au plus bas degré de l'enfer. Sont au plus bas degré de l'enfer et ils sont encore plus bas que ceux qui prenaient des idoles comme divinité. Et le Karramiya nous disent que les hypocrites, d'après leurs croyances, et si on part dans leurs principes, nous disent que, eh bien, ils sont musulmans, ils sont croyants. وَالرَّابِعَ أَخْبَثُ فِرَقَ الْمُرْجِعَ هُمُ الْجَهْمِيَ. Et la quatrième des catégories des murji'a, eh bien, c'est la pire. Et c'est le Jahmiya. الذين يقولون إن الإيمان هو معرفة هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق. Ils disent, le Jahmiya, qui est la pire des catégories de Murji'a, ils disent que la foi, c'est la connaissance du cœur, sans eh bien être obligatoirement croyant, ou sans obligatoirement croire avec son cœur. إذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدق. C'est-à-dire s'il connaît ce que c'est la foi sans eh bien croire avec son cœur, pour eux la personne est croyante. ولو لم ينطق, même s'il ne dit pas avec sa langue, même s'il ne croit pas avec son cœur, mais il connaît et il sait c'est quoi la foi. ولو لم يعمل, même s'il n'œuvre pas, à partir du moment où il sait c'est quoi l'iman, eh bien, pour eux, c'est un croyant. مَا دَامَ أَنَّهُ عَارِفْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَهَذَا الْقَوْلُ أَخْبَثُ مَذَاهِبِ الْمُرْجِئَ. Et donc, cette parole est la pire des paroles des murji'a. فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا مَعْنَا الْإِرْجَاءِ وَأَنَّهُ تَأْخِيرُ الْعَمَلْ عَنِ الْإِيمَانِ. Et donc, il est donc clair et nous voyons clairement quel est le sens de l'irja. L'irja, c'est de retarder et de mettre en arrière eh bien, les œuvres par rapport à la foi. Wa anna al-amal la yadkhulu fi al-iman. Et l'irja, c'est, eh bien, le fait de ne pas faire rentrer les œuvres dans la foi. ويقولون أن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل. Ils disent que la personne est croyante même si elle n'œuvre pas, elle ne fait pas d'œuvre. Même si elle ne fait pas d'œuvre, la personne pour eux est croyante. ولو لم يصلي ولو لم يصوم ولم يحج ولم يعمل أي شيء لو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن. Donc ils disent que même si la personne ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le pèlerinage, ne fait aucune œuvre, même si elle fait le pire, les pires des péchés, eh bien, la personne sera croyante. والمعاصي عندهم لا تنقص إيمانه. Et ils disent que la foi pour eux, eh bien, ne fait pas diminuer la foi. Ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi. لو زنا وسرق فهو مؤمن مؤمن كامل الإيمان عندهم ما دام إنه مصدق بقلبه. Qu'ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi, même si la personne fait l'adultère ou la fornication ou vole, même s'il fait les pires des péchés, eh bien, pour eux, la personne aura quand même une foi complète et parfaite. À partir du moment où est-ce qu'il croit avec son cœur, pour eux, eh bien, la personne sera un croyant complet. والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت. فإيمان أبي بكر وجبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم. Donc pour eux, la foi ne varie pas et n'est pas de plusieurs degrés, ni n'augmente ni ne baisse. Ils disent que la foi de Abu Bakr et Jibril est pareille à la foi du plus pervers d'entre eux. Ul'iyadu billah. Wal haqq anna al-iman yatafawut. Et en réalité, et la vérité est que, eh bien, la foi varie. La foi varie. Fal mu'minun minhum man imanuhu kamil. Parmi les croyants, il y en a qui ont une foi complète, parfaite. Wa minhum man imanuhu naqis, naqsan kathiran aw qalila. Et parmi, eh bien, les croyants, il y en a qui ont, eh bien, une foi réduite, que ce soit grandement ou légèrement. فالإيمان يتفاوت. La foi, eh bien, varie et est de plusieurs degrés. ويزيد وينقص. Et la foi augmente et baisse. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. La foi elle augmente avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et diminue avec la désobéissance d'Allah azza wa jalla. Wal 'amal dakhil fi haqiqati al-iman. Et l'œuvre et les actes rentrent et font partie de la foi. Wa alaykoum assalam. Wa man taraka al-'amal tarkan nihai'an bidun 'udhr wa lam ya'mal abadan falaysa bi-mu'min. Et celui qui délaisse les œuvres complètement, sans aucune excuse, et qui ne fait pas et qui n'a jamais fait d'œuvre, celui-là ne peut être considéré comme croyant. أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمنا ناقص الإيمان. Mais si, eh bien, il fait certaines choses et délaisse certaines choses, eh bien, il sera considéré comme un croyant, mais avec une foi réduite. أهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. Donc أهل السنة والجماعة, les gens de la sunna et du consensus, ils disent que celui qui commet des grands péchés en dehors de l'association du polythéisme, eh bien cette personne est croyante, mais il aura une foi réduite. أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. Ou on pourra dire également qu'il est croyant de par sa foi, parce qu'il croit, mais il est pervers de par le grand péché qu'il commet. وَإِذَا مَاتَ فَهُوَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. Et s'il meurt dans cette situation, eh bien il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Incha'Allahu ghafara lah wa incha'a adhabah. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtiera. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal fera ce qu'il veut et ce qu'il juge plus juste. وَلَكِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ. Mais il ne demeurera pas éternellement en enfer. لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ. D'après les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, certes Allah azza wa jal ne pardonne pas ceux, eh bien, qui auront fait ou qui lui auront associé, mais en dehors de l'association, il pardonne à qui il veut. وفي الحديث انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. Et d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui aura dans son cœur le plus petit des grains de moutarde deux fois, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le sortira de l'enfer. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa thalika adha'afu l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également, ceci est le plus bas degré de la foi. Donc ça prouve que la foi, eh bien, est de plusieurs niveaux, et de plusieurs degrés, elle varie. Certains ont une foi complète, et d'autres une foi réduite. فالإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا. La foi, elle peut être forte comme elle peut être faible. ومن فيه إيمان فإنه لا يكفر. Et celui qui a de la foi et qui croit, on ne peut pas le rendre mécréant. On ne peut pas le rendre mécréant. ولو فعل بعض المعاصي فلا يكفر لكنه ينقص إيمانه. Même s'il commet, eh bien, des énormes péchés ou certains péchés, on ne pourra pas le sortir de l'islam, mais sa foi diminuera et sera réduite. فَلَا يُعْطَى إِسْمُ الْإِيمَانِ الْكَامِلِ وَلَا يُسْلَبُ إِسْمُ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ. On ne pourra pas dire et on ne pourra pas lui enlever le fait qu'il soit nommé croyant. Et on ne pourra pas dire qu'il est croyant ou sa foi est complète. Et également, on ne pourra pas lui enlever la foi complètement. Et ceci est bien parce que les textes s'accordent à dire cela. لهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. C'est pour cette raison que Cheikh Taqi al-Din, il dit, eh bien, on ne pourra pas lui donner et le caractériser par une foi complète, mais également on ne pourra pas lui retirer complètement sa foi. La yu'ta al-iman al-mutlaq al-kamil kama taquluhu al-murji'a. On ne pourra pas, eh bien, dire qu'il a une foi complète comme le disent al-murji'a. Wa la yuslabu mutlaq al-iman kama taquluhu al-khawarij wal-wa'idiyya. Et on ne pourra pas également dire qu'il n'a pas de foi et lui enlever la foi, comme le disent les Khawarij et les Wa'idiyya. بل يعطى بقدر ما عنده. Mais on lui donnera selon, eh bien, le degré de sa foi. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص. Et donc ceci est la voie de la vérité et du juste milieu. Et c'est dans ce sens que s'accordent les textes. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه ردا على المرجئة. Les péchés réduisent la foi et affaiblissent la foi. Et ceci, eh bien, réfute la parole des مرجئة. ولكنه لا تخرج صاحبها من الإيمان ردا على الخوارج والواعدية. Mais ces péchés-là ne font pas sortir la personne de la foi et de l'islam. Et ceci est une réfutation contre le Khawarij, ceux qui, eh bien, rendent mécréants les musulmans par le simple fait qu'ils aient commis